des noms de Ahmed et de Mohammed, et qui a été imprimé en l'an 1961. Il dit qu'il y a à l'intérieur 26 hadiths, il n'y a pas un seul qui est authentique. 26 hadiths qu'il a cités, il n'y a pas un seul hadith qui est authentique dans cela. Également, une autre remarque que l'on fait, un hadith qui est da'if. Da'afu l'imam al-Albani, kama fi da'if al-Jami'a, hadith numéro 2435. Où ce hadith, qui est le suivant, tasammu bi asma al-anbiya, donc, prenez le nom, ou appelez-vous par le nom des prophètes, et ensuite il y a donc, wa asdaquha harith wa hammam, wa asdaquha, donc il est plus véridique, harith wa hammam, donc le nom harith wa hammam, ça c'est un hadith qui est da'if également. Et donc, on ne peut prendre en compte. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.